T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff. Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planet Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. WERS Boston. KLSU. Nord au sud, est en ouest, ouest. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis très très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Planet Indie. Nous sommes ensemble, vous le savez maintenant, je l'espère en tout cas. Si vous ne le savez pas, c'est que vous êtes nouveau, donc ça veut dire qu'on gagne de nouveaux auditeurs aussi, c'est très bien aussi. Nous sommes ensemble donc chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30 sur les ondes de RGL. Pas seulement sur les ondes, puisque vous pouvez aussi nous écouter sur le bouquet télédistribution et puis aussi via internet sur le site internet de RGL ou le site de Planet Indie. Nous sommes ensemble donc pour vous faire découvrir le meilleur de la musique indépendante, le meilleur de la musique alternative et pas seulement le meilleur de la musique, mais le meilleur de tout ce qui se passe un peu au-delà dans les événements culturels de qualité, on va dire. Si vous êtes en vacances, si vous commencez vos vacances, eh bien bonnes vacances. Moi je vais prendre quelques jours d'ici peu, donc plus que quelques jours à tenir. Peut-être que vous êtes en train de faire les soldes et de nous écouter dans les magasins, eh bien je vous souhaite de très bonnes affaires. Et puis peut-être que vous êtes simplement en train de nous écouter chez vous, sur la terrasse, en train de siroter une bonne boisson rafraîchissante, qu'elle soit alcoolisée ou pas, eh bien dans ce cas-là on vous dira simplement santé. Au programme de cet épisode 410, eh bien évidemment pas mal de nouveautés. On écoutera par exemple un extrait du tout nouvel album de Robert Buczynski, notre fidèle ami de Boston. On écoutera qui d'autre ? On écoutera Parrot Drowned, on écoutera un extrait du nouvel album de Auburn, on écoutera une nouveauté, à savoir les Fratelli Stellari ou Karen Palisdottir. Et je vous propose de commencer tout de suite par le groupe Pictures avec un morceau intitulé Roll Up. Et puis après, ce sera cette fameuse Karen Palisdottir dont on parlait il y a quelques secondes avec un morceau intitulé Our Friends Electric. Allez, restez bien avec nous. Nous sommes ensemble pour 1h30 jusqu'à 18h30. Scared, heaven won't come down. Voilà, je vous rappelle son nom, elle s'appelle Karen Palidotir, son morceau s'intitule Our Friends Electric, c'est un morceau produit par Snorri Gudmundsen qui est eh bien, la personne qui est derrière notamment le groupe Axmark, un groupe eh bien, que les fidèles ont pu découvrir dans cette émission, mais ça fait très très longtemps parce que il n'y a plus beaucoup de nouveautés de ce côté-là, il y a eu un ou deux morceaux il y a un an ou deux, voire un peu plus, le temps passe tellement vite, et puis voilà, donc il se lance un peu dans la production aussi, et il produit donc Karen Palidotir avec Our Friends Electric. Avant d'aller sur notre album Powerplay d'ici quelques minutes, eh bien, je vous propose d'écouter une autre nouveauté, les Fratelli Stellari. Cette fois-ci, ils sont accompagnés, enfin cette fois-ci, je dis cette fois-ci parce que sur d'autres morceaux, ils sont seuls, mais cette fois-ci, ils sont accompagnés avec le DJ Nemesis, puisque c'est la première fois qu'on les écoute dans cette émission. Le morceau s'intitule Campa Camello, et puis après cela, ce sera les Golden Apes, sorti chez Anemos Productions. Golden Apes avec un morceau intitulé Interference. Dalle dune del Sahara, così lontano dalla cacciara, mi sono avventurato in un'impresa assai estesa. Tanto che temevo di non tornare. Listening to Planet Indie. Hi, this is Sasha Papernick, and you are listening to Planet Indie.

nouveau CD du groupe Golden Apes. Le morceau qu'on écoutait s'intitule, quant à lui, Interference. Je vous le dis tout de suite, ce sera un powerplay d'ici avant la fin de l'année, je pense. Il n'y a pas de souci avec ça. À propos de powerplay, eh bien, on va plutôt se contenter d'aller voir celui qui est prévu pour aujourd'hui. Il nous emmène pas très très loin. Il nous emmène du côté des Pays-Bas. Le style sera un peu différent. Ce sera un style plutôt folk. Et la chanteuse en question, elle s'appelle Clémentine. Si vous nous êtes fidèles, vous savez qu'elle était prévue, hein, parce qu'on l'a déjà écoutée. Et je vous avais déjà dit aussi que, eh bien, elle aurait sa place en tant que powerplay dans cette émission. Donc bah voilà, c'est aujourd'hui. Alors, comme je vous le disais, Clémentine, elle est originaire des Pays-Bas. Et elle a grandi comme eh bien, la fille d'un capitaine de bateau, puisque c'était effectivement la profession de son papa. Et quand celui-ci est donc, revenait à la maison après ses longs voyages en mer, ce qui pouvait parfois durer jusqu'à un an, eh bien, les chansons que sa maman lui chantait, elles étaient remplacées par de la musique d'influence celtique et irlandaise. Et les thèmes aussi qui abordent l'eau, la nature, la liberté, ce sont des éléments qui ont été très importants dans sa vie et tout au long en tout cas de sa croissance, de son adolescence. La musique irlandaise est ainsi devenue eh bien, son lien avec son papa quand il était en mer. Et désormais, eh bien, maintenant, quand elle chante de la musique celtique ou irlandaise, essentiellement de la musique folk celtique ou irlandaise, eh bien, elle a l'impression de rentrer à la maison, puis tellement ça lui rappelle ses moments. Son style actuel, eh bien, ça mélange pas mal de choses. Donc, on a déjà dit la musique celtique, la musique irlandaise. Il y a parfois un peu des influences jazz, du blues, et puis aussi les chansons que sa maman lui chantait dans sa jeunesse. Des chansons plus style chanson de geste, on va dire. Son album, je ne vous ai pas encore dit comment il s'appelait, son album s'intitule « Letting Go, That's Freedom ». Bah oui, quand on parlait des grands espaces, de la nature, de la liberté, eh bien, il n'y a pas besoin d'aller chercher loin l'influence. Le premier morceau que je vous propose d'écouter s'intitule Lost Child. Et puis voilà, place à la musique. C'est notre powerplay aujourd'hui dans Planète Indie. Je vous rappelle son nom, elle s'appelle Clémentine. Powerplay. Powerplay. Keep an eye out for this lighthouse. You have a place here safe and warm. I'll stand watch across the ocean till you're back here in my arms. I've gathered coal and tinder, prepared a bed for you to lie. When your ship returns you to us, on the deck we'll build a pyre. Lost child, they scatter far and wide before they lead you home again. Lost child, do you feel something missing too? Do you wonder where we are as we wonder about you? they lead you home again. But child, do you feel something missing too? Do you wonder where we are as we wander about you? Lost child, lost child. Son nom, elle s'appelle Clémentine, c'est son nom d'artiste et son nom complet c'est Clémentine Volker. Elle est néerlandaise, c'est notre powerplay aujourd'hui dans Planète Indie et j'espère que vous avez fait attention aux paroles de cette chanson puisque je vous parlais de son papa qui était marin, capitaine de bateau. Eh bien, on retrouve effectivement beaucoup le thème de la séparation de la mer, de l'océan, dans cette chanson. On écoutera deux autres extraits d'ici 18h30. Pour l'heure, eh bien, on va aller faire un petit tour du côté d'une nouvelle EP du groupe de Pink Dust. Alors eux, la production... Ils n'arrêtent pas. Ils ont sorti trois albums pratiquement coup sur coup et puis cette EP qui arrive. Le morceau qu'on va écouter, ça s'appelle Hello. Puis après, on écoutera un extrait de nouvel album de Auburn. Et cet extrait s'intitule Spoke in the Wheel. This is Cliff of the Pink Dust, and our favorite show in Europe for finding the best new artists is Planet Indie with Pierre Gerard. Hello, my old friend. Been so long since I've seen you. It's good to be together again. Hello, so good to see you. Say and never will, you'll never know what it all could be. Suddenly you start to see hello, but I couldn't stay. I'm in between the spaces till I find my way. When it comes Comme vous le voyez, on jongle avec les genres musicaux, les styles. Le changement entre Auburn à l'instant et puis le groupe Parrot Ground qu'on écoute là maintenant. Le passage est peut-être un peu violent. Bah, dites-nous ce que vous en pensez. N'hésitez pas, 26 54 00 44 ou via Facebook sur le groupe Planète Indie. pour l'heure donc, on écoute les Parade Ground, Lady's Head, et puis après ce sera Hell's Band, Superstition, mais on aura le temps d'en reparler. Voilà, comme vous l'avez remarqué, c'est un morceau enregistré en public. C'est Parade Ground et on écoutait donc Lady's Head. Si vous ne savez que faire, non pas ce samedi, mais samedi prochain, le 13 juillet, je vous invite, comme je le fais chaque année d'ailleurs, à participer au festival Blues Express. Ce sera la 16e édition. Ça se passe à La Sauvage et Fond de Grain, un très très bon festival dans un cadre vraiment idyllique. Et si le temps est de la partie, alors là c'est vraiment magnifique. À l'affiche, vous pourrez voir notamment et surtout entendre Glenn Hughes, Maceo Parker, Charles Passy, les Griot Blues, le Remo Cavallini Band, un groupe local, hein, vient du Luxembourg, ou encore Ida Band and the Blue Tears, c'est un groupe suédois. Malheureusement, moi, personnellement, je ne pourrais pas y assister et j'en suis très contrit. Mais bon, si vous voulez plus d'informations, il y a une hotline et puis il y a surtout le site internet www.bluesexpress.lu. Il faut savoir aussi que ce festival est entièrement gratuit, donc il n'y a vraiment aucune raison de s'en priver. Un artiste qui aurait, eh bien, il n'aurait pas dépareillé dans le Blues Express, c'est Stevie Wonder. On va pas l'écouter, mais on va écouter une reprise d'un de ses morceaux, peut-être un de ses morceaux les plus connus, un morceau qui s'intitule Superstition, et repris ici rien que pour nous par le groupe Hell's Band, E-L-S Band. C'est la reprise de Stevie Wonder, du morceau de Stevie Wonder, le morceau Superstition. Et puis après, c'est retour sur l'album de Clémentine. Very superstitious writings on the wall. Very superstitious letters about to fall. Baby, round the looking glass. 7 years of bad luck. The good things in your past. When you believe in things that you don't understand, then you suffer. passion ain't the way. They're superstitious. Watch your face and hands. Rip me off the problem. Do all that you can. Voilà, une reprise finalement assez fidèle à l'original, reprise de Superstition par le groupe Hell's Band. Il est temps maintenant pour nous de retourner sur notre album Powerplay. Oui, 17h45, le temps avance. L'album de Caroline, un album intitulé Letting Go, That's Freedom. Alors, ce n'est pas son premier album, hein, puisqu'en 2003, c'est en 2003 qu'elle a sorti son premier album pour le label Coast to Coast, un album enregistré en Belgique d'ailleurs, et un album qui a été très très programmé, notamment aux Pays-Bas, sur Radio 2 et Radio 5. Elle a ensuite organisé une tournée justement aux Pays-Bas, et cette tournée comprenait des dates aussi bien dans des petites salles de concert qui n'avaient pas plus de 80 places, jusqu'à des salles beaucoup plus grandes qui pouvaient aller jusqu'à 750 ou 1000 personnes dans le public. Et puis en même temps, qu'elle a fait cette tournée, eh bien, elle a décidé de prendre quelques cours avec Berkeley, des cours pour apprendre un peu plus et comprendre un peu mieux les phénomènes ou les mécanismes plutôt de l'écriture et de la production. Pour cet album Letting Go, eh bien, elle a collaboré avec un grand nom en tout cas très très connu à Nashville, un producteur et un chanteur-compositeur très très connu à Nashville, quelqu'un qui s'appelle Wyatt Easterling, quelqu'un qui a vendu, qui a produit de nombreux disques qui sont devenus disques de platine, qui a écrit pas mal de chansons. Il a été le chief A&R, donc en fait c'est le grand patron des découvreurs de nouveaux talents chez Atlantic Records, donc c'est quand même pas le petit label où il y a deux personnes qui travaillent. Et il a travaillé avec plusieurs des plus grands artistes et compositeurs du monde entier, qui ça lui a permis de travailler sur plusieurs styles musicaux. Wyatt Easterling, donc. Nous, on va écouter un second extrait donc, de cet album. Je vous propose d'écouter le morceau intitulé One More Last Time, Last Night, pardon, pas Time, One More Last Night par Clémentine, notre powerplay aujourd'hui dans Planète Indie. Powerplay. Powerplay. I should quit you like too much tequila, but that don't stop me, I've got to see you. Like cigarette smoke, wanna drag you in and hold you deep as long as I can. I want you and I want you now. This has to end, but I need a last night with you again. Just one more last night with you again. Thoughts of you show no mercy. I have no fight while they come after me. I'll give my heart to be sacrificed just to have you here tonight. I want you and I want you now. Who cares about tomorrow anyhow? We said last night this has to end, but I need a last night with you again. Just one more last night with you again. We said this night this has to end, but I need a last night with you again. Just one. Traveling in a fried-out combi on a hippie trail full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and she gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under where women glow and men thunder? Walk in here, the thunder. Better run, you better take off. Uh-uh. buying bread from a man in Brussels. He was 6'4" and full of muscle. Well, I said to that man, do you speak my language? He smiled, gave me a Vegemite sandwich. And I said, well, I come from a land down under, where women glow and men thunder. Oh, can you hear the thunder? You better run, you better take cover. Didn't did it, pop, pop, down, down, down, down, pop, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, lying in a den in Bombay, slack jaw and not much to say. Well, I said to that man, you trying to tempt me, 'cause I come from the land of plenty. And he said, do you come from a land down under, where beer flows and men gender? Oh, can you hear the thunder? You better run, you better take cover. I come from a land down under, where women glow and men plunder. What can you hear? Can you hear the thunder? You better run, you better take cover. You better run, you better take cover. You better run, you better take cover. Voilà, les gens de ma génération, on va dire, ont reconnu tout de suite le morceau Down Under qui a été chanté à l'origine par le groupe Men at Work. Ici, c'était une reprise par le groupe Shift It Baby. Une reprise eh bien, un peu plus acoustique et un peu moins fidèle, quoique elle reste quand même très très fidèle, que le morceau Superstition qu'on a écouté tout à l'heure. On va poursuivre en musique avec un extrait de l'album live de Mystery. Avant cela, je vous propose de passer en revue la programmation de nos partenaires de la Rocale. Ça va aller vite parce qu'on sent que ça va être les vacances et l'été. Lundi, vous pourrez voir le groupe Limp Bizkit. Mardi, Cypress Hill. Et mercredi, ce sont les Barbus Texans de ZZ Top. Le 13, ce sera le Screaming Fields Festival et puis aussi le Screaming Field Song Contest, donc le concours de chant. Le 18, vous aurez l'occasion d'entendre et d'écouter Dark Tranquility, Camelot, Evergrey et Northgard. Et enfin, le 17 juillet, ce sera The All Man Bets Band. Et après cela, ce sera pratiquement tranquille jusqu'au mois de septembre. Allez, je laisse la place au groupe Mystery, enregistré en public, A Song For You, une chanson rien que pour vous. This next song is very special for us with all that's happening right now in the world. And this song is dedicated to all of you. A Song For You. We'll be right back. brought tears in my eyes. This world's going crazy. Fend my worries, turn the dots on the lights to simple and easy. I never seem to understand. World's spinning around my head. On va couper ici hein, ce morceau de Mystery. On n'en est qu'à la moitié. Il fait 12 minutes. Il fait 12 minutes, pratiquement 13 minutes. Hein. Et si vous aimez ce genre de musique, en tout cas nous on adore ce rock progressif, eh bien n'hésitez pas à les découvrir. Ils sont basés au Québec, à Lorraine, pour être tout à fait précis. On va poursuivre, on va rester sur le continent nord-américain. On passe juste la frontière, on descend du Québec en Nouvelle-Angleterre, du côté de Boston, et on va écouter un extrait du nouvel album de Robert Buchinski, un album intitulé The Breakdown Lane. On est très content aussi de cet album parce qu'il a eu la gentillesse de nous mettre en première place dans ses remerciements. C'est vrai qu'on le suit depuis pas mal d'années, tout d'abord avec le groupe Rachel et puis maintenant qu'il s'est lancé en solo, Robert Buchinski. Le morceau s'intitule « The Stockholm Syndrome ». I am Robert Bashinsky from Rigel, and you're listening to our new album, Sightseeing at Midnight, right here on Planet Indie. Well, you can protect your captors until the setting of the midnight sun. You can defend all the reasons that you didn't run. There's a special place in your heart for those who've kept you in confines, and there's a special place in for those who seduce you with lies. You identify, identify, identify. You can't say goodbye. You identify, identify, identify. You can't say goodbye. No matter how far you go, you'll never let them take the fall. Because the love we feel for our captors is the greatest love of all. On aura très certainement l'occasion de retourner sur cet album, l'album The Breakdown Lane de Robert Buchinski, et non plus le Rigel. le jingle date un peu, il va falloir qu'on le remette au goût du jour. Mais bon, c'est pas grave. Comme vous le savez aussi depuis quelques mois, eh bien, on vous fait, on a élargi notre spectre de couverture. On vous propose aussi de découvrir quelques BD de qualité. Donc aujourd'hui, je me propose de vous faire découvrir la bande dessinée Les Nymphéas Noirs. Alors, ça se passe dans le petit village de Giverny, à mi-chemin entre Paris et Rouen. Ce village est en quelque sorte le centre du monde impressionniste et vit au rythme des flots de touristes qui viennent s'imprégner de l'atmosphère qui a inspiré à Monet sa série de tableaux des Nymphéas. Mais quand le corps de Jérôme Morval, coureur de jupons patenté, est retrouvé dans le bassin, triplement assassiné, c'est-à-dire frappé à la tête, poignardé et noyé, tout ce petit monde se trouve en émoi. Sérénac, l'inspecteur de police, est persuadé que le coupable est le mari jaloux de Stéphanie, la jolie institutrice qui ne le laisse pas de marbre. Les femmes occupent d'ailleurs une place centrale dans ce livre. Outre cette dernière, se trouve aussi au cœur de l'intrigue Fanette, une jeune fille douée pour la peinture et qui prépare le concours de la Fondation Robinson, ainsi que la vieille femme qui vit seule dans cette maison lugubre au bout du village et passe son temps à se promener avec son chien, à observer la vie des autres et à admirer son tableau des Nymphéas Noirs. Il y a beaucoup de choses dans ce livre, de l'hommage à Monet au portrait de femme, en passant par les histoires d'amour ou la découverte de Giverny à différentes époques. Il n'en reste pas moins que Les Nymphéas Noirs est avant tout un polar, une histoire policière. Et on meurt dans cette histoire, on y meurt beaucoup même. Si vous n'avez pas lu au préalable le roman de Michel Bussy, roman sorti en 2011, année au cours de laquelle il a été primé à de nombreuses reprises, il est certain que vous tomberez dans le panneau et vous risquez fort de vous lancer immédiatement dans une seconde lecture pour comprendre où vous avez été berné et surtout pour déconstruire la trame narrative. Le procédé stylistique utilisé est fort discutable et s'apparente à de l'escroquerie. Il y a quand même quelques très rares indices disséminés ça et là. En ce qui me concerne, j'ai commencé à me poser de sérieuses questions à partir de la page 85, mais dans l'ensemble, on peut dire que le lecteur est mené en bateau sans aucun moyen de s'en rendre compte, mais pour son plus grand plaisir. La mise en forme est aussi très soignée, les dessins de Cassegrain dans les tons pastels et avec leurs arrière-plans flous nous plongent eux aussi en plein dans le monde impressionniste. J'aurais apprécié un peu plus de finition dans le dessin des personnages. À souligner aussi le souci de documentation et d'exactitude historique que l'on retrouve notamment dans l'évocation du Rouen de la fin du 19e siècle. En conclusion, eh bien, je dirais que, alors que Michel Bussy croyait son roman inadaptable, il a été le premier à reconnaître la qualité du travail réalisé. La trame policière est solide, et même si la manière de jouer avec le lecteur est de la pure tromperie, on se trouve emporté par le suspense. Le style du dessin est inhabituel pour une BD et est aussi un clin d'œil à Monet et au mouvement impressionniste. Bref, un livre à vous conseiller, surtout si vous n'avez pas lu le roman au préalable. Voilà pour notre appréciation de cette BD Nymphéas Noirs sortie dans la collection Air Libre chez Dupuis. Retournons en musique, si vous le voulez bien, avec une autre nouveauté, le groupe Saccadic Eye Motion et un morceau qui s'appelle Limao. We'll be right back. beaucoup de morceaux qui durent aujourd'hui, c'est pas plus mal, mais le temps passe et il faut qu'on achève notre programmation, surtout qu'on doit encore retourner sur notre album Powerplay, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On s'était quitté tout à l'heure en disant que Clémentine donc avait collaboré avec Wyatt Easterling tout à l'heure. Et quand l'occasion se présente, eh bien, elle aime faire la première partie du groupe légendaire Les Furies. Au niveau des collaborations, donc, je vous parlais de Wyatt Easterling. Et puis, c'est quelque chose qu'elle aime bien de collaborer avec d'autres compositeurs, notamment, alors je ne sais pas si je prononce bien, Daiti Rua, qui a notamment travaillé aussi avec les Furies, avec Clannad ou Moya Brennan, ou encore son ami de longue date, Gus Westdorp. La plupart du temps, eh bien, Clémentine elle préfère chanter en anglais, mais justement, elle a fait une exception pour une chanson écrite justement par Gus Westdorp, une chanson qui s'intitule en anglais « Nad Hose », qui veut dire « après le tonnerre, après la tempête, après la tempête ». Une chanson qui était écrite à l'origine pour les inondations après l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans. Ça lui a permis de récolter plusieurs milliers de dollars pour toutes ses victimes. Clémentine a une voix qui vous attrape et qui ne vous laisse plus partir. On n'a pas trop le choix, il faut écoutez, chaque nouvelle ligne dans ces chansons, eh bien, c'est comme ouvrir une porte vers un nouveau trésor. Elle nous prend par la main et nous emmène, nous fait passer d'une émotion à une autre. À un instant, eh bien, on se retrouve en plein sentiment joyeux, de joie, et le moment d'après, eh bien, il faut qu'on lutte contre les larmes. Le site internet, eh bien, c'est www.clémentine.fm. Et nous, on va donc écouter un troisième et dernier extrait pour aujourd'hui. Un extrait qui s'appelle Standing Where You Left Me. Ça veut dire, eh bien, j'en suis resté où tu m'as laissé. Elle s'appelle Clémentine. Son album s'intitule Letting Go, That's Freedom. Et c'était notre Powerplay aujourd'hui dans Planète Indie. Powerplay. There's a wind blowing inside, I guess, but I won't, 'cause I've rooted to this spot like an oak tree stuck here in the ground. Waiting till the rest of my life decides to roll around. Where you left me, made the ruins of our love, and the fragments of forgiveness, and the remnants of our trust. And all that once was us, though I'm waiting to fly away on any old wind. I'm still standing where you left me a long time ago. There's a wind blowing in from the west, and the storm is coming on. And I should go inside, I guess, but I won't, like an oak tree, stuck here in the ground. Waiting till the rest of my life decides to roll around. Standing where you left me, made the ruins of our love. And the fragments of forgiveness, and the remnants of our trust. Still standing where you left me a long time ago. Another long night's coming down, it will be here soon. I'll be hanging around with the man in the moon. But even he's going to be moving across the sky, leaving me alone to be. The ruins of our love, and the fragments of forgiveness, and the remnants of our trust. Je vous rappelle son nom, elle s'appelle Clémentine, son album s'intitule Letting Go, That's Freedom, c'était notre powerplay pour cette émission 410 de Planète Indie, cette émission qui sera rediffusée demain aux mêmes heures entre 17h et 18h30. Et puis vous pourrez aussi retrouver notre podcast, c'est le podcast sur notre site internet www.ilovemusic.ga. Avant de se quitter, je vous propose encore d'écouter une partie de l'interview que j'avais faite de l'artiste Ruth Reyev qui était venue en concert à Op der Schmelz, ici à Dudelange, il y a quelques semaines de cela. Elle m'avait fait l'honneur de répondre à quelques questions. Et puis après, on écoutera un morceau de son album. Je vous propose donc d'écouter, en tout cas une petite partie de son interview, parce qu'on n'a pas le temps d'écouter beaucoup plus aujourd'hui. So my first question to you. As far as I've read, it's not the first time you come here to Luxembourg. What or do you remember something from the previous time you came, or was there something that struck you, or maybe you don't remember anything? This is in fact the third time I'm here. Already third time, which is pretty cool because most people haven't been to Luxembourg, so I love that. It's a really interesting place. There are so many people from different cultures from around the world in such a small place. It seems like a good place to live. It's like one very memorable thing from last time is that we always travel with our daughter, and she's 7 now, and she was 2 last time that we were here. And it's kind of silly, but we won't forget the babysitter. She had pink hair. It's funny that you mentioned. Voilà, en gros, la question que j'avais posée à Ruth Reyef, je lui disais, voilà, c'est pas la première fois que vous venez à Luxembourg. Quels sont vos souvenirs de vos précédentes visites ? Et alors, elle me dit, effectivement, oui, c'est la troisième fois que je viens ici. C'est un endroit assez cool, c'est un endroit où apparemment il fait bon vivre, c'est un endroit intéressant. Elle disait que c'était assez surprenant que dans un si petit pays, eh bien, il y avait des gens du monde entier et d'un peu partout. Mais surtout, ce dont elle se souvient, elle explique que voilà, sa fille qui a maintenant 7 ans, elle voyageait avec eux à l'époque, elle avait 2 ans et donc elle avait dû la confier à une babysitter. Et elle se souvenait de cette babysitter qui l'avait tellement marquée et qui s'était tellement bien occupée de sa fille. D'ailleurs, au cours du concert, elle a demandé au public s'il y avait des gens qui était déjà là une fois précédente et quelqu'un qui a bien beaucoup, il y a des gens qui ont dit oui et puis je sais pas pourquoi elle a cru comprendre que sa babysitter était là, mais c'était une fausse alerte on va dire, mais bon voilà, elle était toute folle à l'idée que la babysitter ait pu être là au concert aujourd'hui. Alors, je vous propose d'écouter un extrait de son album, c'est du jazz, c'est presque de l'expérimental, c'est le Ruth Reyef's Rare Time, l'album s'appelle Keep Winning et c'est avec ce morceau qu'on va se quitter. Vous allez voir, c'est un peu différent de ce qu'on écoute d'habitude. J'étais très heureux en tout cas de passer ce début de soirée en votre compagnie. J'espère que vous avez apprécié la programmation musicale. On se retrouve le mois prochain, le 3 août, pour un nouvel épisode. Et puis on écoutera aussi la suite de cette interview au cours d'une prochaine émission. D'ici là, passez un bon week-end, de bonnes vacances si vous allez avoir vos vacances entre temps. Et puis à bientôt. Avant de se quitter, pour être tout à fait complet, désolé, je vous fais le programme de la Culture Fabrique, ça va être rapide. Mardi, ce sera Priscilla, Queen of the Desert. Vendredi prochain, le festival Esh Calling. Et puis samedi prochain, ce sera le Fat White Family qui vient d'Angleterre. Voilà, je me tais à la prochaine fois, que ce soit sur notre site internet pour le podcast, demain pour la rediffusion ou sur notre groupe Facebook. N'hésitez pas, vous tapez Planet Indie dans Facebook et sur internet www.ilovemusic.ga. À bientôt. Ha ha ha.